Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 5. Je chanterai, mon bien-aimé, le cantique de mon proche parent à sa vigne. Une vigne a été acquise à mon bien-aimé, sur un sommet de montagne abondant en huile. Et il l'a environnée d'une haie, et il en a ôté les pierres, il y a mis un plan choisi, et il y a bâti une tour au milieu, et il y a construit un pressoir. Et il a espéré qu'elle produirait des raisins, et elle a produit des grappes sauvages. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'est-ce que j'ai dû faire de plus à ma vigne que je ne lui ai pas fait? N'ai-je pas espéré qu'elle produirait des raisins, et elle a produit des grappes sauvages? Et maintenant je vous montrerai ce que moi je ferai à ma vigne. J'enlèverai sa haie et elle sera au pillage. Je détruirai sa muraille et elle sera foulée aux pieds. Je la rendrai déserte. Elle ne sera pas taillée et elle ne sera pas labourée. Les ronces et les épines s'élèveront. Et je commanderai aux nuées de ne pas répandre sur elle de pluie. Car la vigne du Seigneur des armées est la maison d'Israël. Et l'homme de Juda son germe délectable. Et j'ai espéré qu'il rendrait un jugement, et voilà l'iniquité. Qu'il rendrait la justice, et voilà le cri de l'opprimé. Malheur à vous qui joignez maison à maison, et qui ajoutez un champ à un champ, jusqu'à ce que le lieu vous manque. Est-ce que vous seul vous habiterez au milieu de la terre? Voici ce qui a été révélé à mes oreilles. Le Seigneur des armées dit, j'ai juré. Si des maisons nombreuses, élevées et belles ne seront pas désertes sans habitants. Car 10 arpents de vigne rapporteront une seule petite bouteille, et 30 mesures de semences produiront 3 mesures. Malheur à vous qui vous levez dès le matin pour vous abandonner à l'ivresse et pour boire jusqu'à la nuit, afin que par le vin vous vous échauffiez, la harpe et la lyre et le tambour et la flûte et le vin se trouvent dans vos festins. Et l'œuvre du Seigneur, vous n'y avez pas égard. Et les ouvrages de ses mains, vous ne les considérez pas. C'est pour cela que mon peuple a été emmené captif, parce qu'il n'a pas d'intelligence, et que les nobles d'Israël ont péri de faim, et que la multitude de son peuple a séché par la soif. C'est pour cela que l'enfer a dilaté son âme, et qu'il a ouvert sa bouche d'une manière illimitée. Et ses puissants et son bas peuple, et ces grands et ces hommes glorieux y descendront. Et l'homme du peuple s'inclinera, et l'homme de condition sera humilié, et les yeux des superbes s'abaisseront. Et le Dieu des armées sera exalté à cause de son jugement, et le Dieu saint sera sanctifié à cause de sa justice. Et les agneaux paîtront à leur ordinaire, et dans les déserts devenus fertiles, des étrangers trouveront leur nourriture. Malheur à vous qui tirez l'iniquité avec les cordes de la vanité, et le péché comme les traits d'un chariot. Qui dites qu'il se hâte et que son œuvre vienne bientôt afin que nous la voyions, et qu'il s'approche et qu'il vienne le décret du Saint d'Israël, et nous le connaîtrons. Malheur à vous qui appelez le mal bien et le bien mal, qui donnez les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres. Qui donnait la mer pour le doux et le doux pour la mer. Malheur à vous qui êtes sages à vos yeux et qui êtes prudents vis-à-vis de vous-même. Malheur à vous qui êtes puissants à boire le vin et des hommes vaillants à mêler des boissons enivrantes. Qui justifiez l'impie pour des présents et ravissez au juste sa propre justice. À cause de cela, comme une langue de feu dévore la paille, et comme la chaleur de la flamme la brûle entièrement, ainsi leur racine sera comme de la cendre embrasée, et leur germe s'élèvera comme de la poussière. Car ils ont rejeté la loi du Seigneur des armées, et ils ont blasphémé la parole du Saint d'Israël. C'est pour cela qu'a été irritée la fureur du Seigneur contre son peuple, et qu'il a étendu sa main sur lui et qu'il l'a frappé, que les montagnes ont été ébranlées, et que leurs cadavres sont devenus comme la boue sur les places publiques. Au milieu de tous ces maux, sa colère ne s'est point détournée, mais sa main a été encore étendue. Et il élèvera son étendard au loin parmi les nations. Et il sifflera pour l'appeler des confins de la terre, et voici qu'en grande hâte il viendra promptement. Et il n'y a dans lui ni de défaillant ni de fatigué. Il ne sommeillera ni ne dormira. La ceinture de ses reins ne se déliera pas, ni la courroie de sa chaussure ne se rompra. Ses flèches seront aiguës et tous ses arcs bandés. La corne de leurs chevaux est comme un caillou, et ses roues comme l'impétuosité de la tempête. Son rugissement est comme celui d'un lion, il rugira comme les petits des lions, et il frémira, et il saisira sa proie, et il l'étreindra, et il n'y aura personne qui la lui puisse arracher. Et un bruit se fera entendre sur lui en ce jour-là, comme le bruit de la mer. Nous regarderons sur la terre, et voilà les ténèbres de la tribulation. Et la lumière a été couverte de ténèbres par sa profonde obscurité. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.